malgré le cadre un peu exotique, je crois que vous verrez qu'il y a pas mal d'écho avec ce qui a été dit dans la précédente table ronde. Alors, pour expliquer un peu d'où vient cette recherche, c'est une recherche que j'ai entamée depuis le début de l'année 2012 dans le cadre d'un contrat postdoctoral. Auparavant, j'avais déjà mené avec des collègues des travaux en France sur la question de la souffrance et du bien-être des salariés, du débat social sur l'origine professionnelle de ces souffrances, bien-être, quel que soit le terme qu'on utilise. Débat social qui se déroule aussi bien dans l'enceinte des entreprises, dans le champ scientifique, que dans les médias et le jeu politique. Et la principale question qui nous intéressait dans ces recherches était la suivante. C'était comment des enjeux de débat autour du travail en viennent à être considérés à certains moments, dans certaines circonstances, soit comme des enjeux politiques, des enjeux syndicaux, des questions de rapport de pouvoir, de domination, de subordination, ou pour citer la personne que citait Xavier Zunigo dans sa présentation, voilà, des mots plus classiquement ouvriers, disons, ou des mots d'un répertoire d'action plus syndicale plus classique. Soit ces enjeux sont considérés comme des enjeux scientifiques, cliniques, médicaux, psychologiques ou techniques, des questions de pathologie, de troubles, de situations pathogènes, de risques qu'il faudrait évaluer, réduire, gérer, prévenir. Disons une approche plus technicienne ou plus scientifique, plus clinique de ces questions. Alors nous avions notamment étudié l'évolution des débats autour de ces enjeux au sein du Comité national d'hygiène et sécurité de EDF-GDF sur une période de 20 ans. Et nous avions pu voir comment l'irruption du thème de la souffrance psychique était indissociable d'autres débats en cours entre les représentants des salariés et la direction. Débats qui étaient en cours avant qu'on parle de souffrance psychique, mais qui continuaient aussi à se poursuivre pendant qu'on en parlait. Et quelquefois, comme il a été dit, on parle de souffrance psychique ou d'autres termes pour perpétuer ces débats, quelque part, pour en parler avec d'autres mots. Ces débats sont des débats plus classiques sur la répartition du pouvoir et de la responsabilité, sur la démocratie au travail, sur la possibilité pour les travailleurs d'avoir un mot à dire sur l'organisation concrète de leur travail. Et inversement, nous avions vu que la montée en puissance de l'expression « risques psychosociaux » dans ces entreprises, que nous dations du tournant des années 2000, en suivant les procès-verbaux retranscrits des réunions, cette montée en puissance était intimement liée à une volonté émanant de la direction des entreprises de dépolitiser ces questions et d'en faire des enjeux plus techniques. Quelque chose qui peut être intégré dans des tableaux de bord, quelque chose qui peut être intégré dans des outils de pilotage pour le management, plutôt que quelque chose qui a à voir avec la démocratie dans l'entreprise, l'aliénation ou la subordination. Alors, c'est pour poursuivre ce questionnement historique et sociologique que j'ai entrepris cette étude dans le contexte suédois, dans le cadre d'une recherche qui s'inscrit dans un projet ANR Index, Indépendance des experts en santé, qui est dirigé par Emmanuel Henry. Alors la Suède me semble un pays intéressant pour poursuivre cette réflexion à au moins trois titres. Premièrement, il y existe une très forte histoire de recherche sur la question du lien entre le bien-être des travailleurs et leur travail. Et ce, depuis peu après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pu parler par moments d'écoles scandinaves de recherche sur la vie au travail, qui est l'expression en suédois, ou d'écoles suédoises, également l'école suédoise de recherche sur l'environnement de travail, arbetsmiljö, qui est également une expression très utilisée dans ce pays. Il y a eu de nombreux travaux originaux ou précurseurs pour leur temps, faisant le lien entre des aspects psychologiques et les conditions de travail, bien souvent faisant le détour par le physique. Il y a une tradition de recherche psychosomatique autour de chercheurs comme le psychologue Bertil Gardel, la biochimiste Marianne Frankenhäuser, les médecins Lennart Lévy, Thérèse Théorel. On peut voir également que la Suède joue un rôle majeur dans le développement de quelque chose qu'on connaît tous ici, qui est le modèle de Robert Karasek, puisque Robert Karasek va forger ce modèle lors de plusieurs séjours longs en Suède dans les années 70, et avec la collaboration de Thérèse Théorel, médecin psychosocial suédois, qui va l'aider à mettre en forme ce modèle et à lui donner une validation empirique. Et là, on incise par rapport au débat au débat qui vient de précéder. En effet, le modèle émerge non pas pour un usage individuel ou même un usage en entreprise, mais bien dans une perspective de recherche médicale où les chercheurs étudient une cohorte de 8000 travailleurs du bâtiment et cherchent à voir s'il n'y a pas un lien entre leurs conditions de travail et leur situation psychique et même des aspects physiques tels que les maladies cardiovasculaires. Alors, deuxième chose qui me semble intéressant dans le contexte suédois, c'est que ces recherches ont des applications politiques de manière très précoce. Ainsi, un ensemble de lois votées dans la seconde moitié des années 70 s'appuie explicitement sur une partie des résultats de ces recherches en médecine psychosociale ou en psychologie de l'aliénation au travail et préconise un ensemble de mesures pour améliorer le bien-être des travailleurs, développer également le concept de ce que les Suédois appellent la démocratie industrielle, qui est un concept très important depuis au moins les années 30. Alors, ce n'est pas pour autant que je développerai l'idée de modèle suédois, qui me semble de peu d'intérêt en la matière. Le spécialiste de la Scandinavie, Johan Åkant, a montré déjà comment la recherche en sciences sociales, dès qu'elle s'intéresse à la Scandinavie, a tendance à toujours vouloir chercher un modèle. Et cette notion de modèle est évidemment ambiguë, puisqu'elle a à la fois une portée descriptive, mais également normative, dans le sens d'un exemple à suivre. Et là, mon objectif n'est pas de détailler un prétendu modèle suédois cohérent ou à suivre, mais bien d'en rester à une forme d'histoire sociale des débats autour du psychisme des travailleurs et du lien avec le travail. Histoire sociale qui était très peu faite, pour l'instant, dans un contexte francophone, mais même dans un contexte, on va dire, non suédois, en dehors de la Suède, d'après ce que j'ai vu pour l'instant. Alors enfin, la troisième et dernière raison pour laquelle il m'a semblé intéressant d'étudier la Suède, c'est plus généralement l'importance de la science dans les décisions politiques et cette imbrication science-politique. Historiquement, on peut voir qu'il y a une tradition qui veut que les questions politiques puissent être résolues par la science. Ce que on peut appeler à certains moments une tradition d'ingénierie sociale, ce que les détracteurs appellent quelquefois ingénierie sociale, puisque peu de gens se reconnaissent dans cette appellation en Suède. Mais pour citer un exemple historique célèbre, dans les années 30, il y a un très grand débat intellectuel, médiatique et politique autour de ce qui est appelé alors la question de la population, qui est débat, on va dire, sur une question classique à cette époque, qui est la question de comment perpétuer la quantité et la qualité de la démographie suédoise. Ce sont les termes du débat. Et ce débat est initié par le couple d'intellectuels Alva Myrdal et Gunnar Myrdal, qui en arrive à une série de préconisations très très diverses, englobant tous les aspects des politiques publiques, sur aussi bien la gratuité des cantines scolaires, la nécessité du logement social, de réformes structurelles instaurant l'égalité entre hommes et femmes, la nécessité de la contraception légale et gratuite, etc., qui sont un peu les piliers de base de ce qu'on connaît de la Suède en termes de politique sociale, vu de la France, et qui seront appliqués dans les deux décennies qui suivent. Et là, très concrètement, ces intellectuels vont être nommés par le gouvernement à la tête de commissions. Gunnar Myrdal dirige la commission de la population. Alva Myrdal s'occupe de la commission des femmes au travail et sont chargés de mettre en place les mesures avec l'idée que c'est le scientifique qui donne la feuille de route aux politiques. Eh bien, de même, au fil de cette histoire, les travaux scientifiques et les débats politiques en Suède sur le lien entre le travail et le psychisme des travailleurs peuvent sembler souvent pris ou prisonniers dans cette idée que tout ceci ne serait qu'une question d'expertise, une question scientifique et technique. Et c'est pourquoi, dans le cadre de cette communication qui est vraiment une introduction, aussi bien à cause du temps limité que du fait que je commence cette recherche, j'ai choisi de m'intéresser à la question du surgissement d'un aspect politique dans ces débats. Pourquoi la question en apparence technique ou scientifique est-elle, à un moment donné, dans certaines circonstances, politisée ? Par qui ? Et qu'est-ce que cela change dans les débats politiques et scientifiques sur le lien entre travail et psychisme ? Alors, cette introduction est un peu longue, mais elle me semblait nécessaire pour poser les bases, et ma présentation maintenant suivra trois temps. Je brosserai d'abord rapidement l'historique des institutions de recherche sur la vie au travail en Suède, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Ça sera très rapide et très simplificateur, parce que c'est très compliqué, et ils n'arrêtent pas de changer le nom et les sigles, et faire des fusions et des scissions, etc. Puis, je vais m'attarder sur un premier moment de controverse où le politique fait irruption, qui est la publication d'un livre en 1969. Et enfin, on va faire un bond de presque 40 ans dans l'avenir pour s'intéresser à un autre moment de politisation, en 2006-2007, autour d'un institut, le principal institut de recherche sur la vie au travail en Suède. Et ça va être une grande controverse politique dans les élections de 2006. Alors tout d'abord, bref panorama historique des recherches sur la vie au travail en Suède. Alors c'est vrai que là, pour le coup, j'avais quand même des dates sur le PowerPoint qui ne sont pas ici, mais je vais essayer de vous dire ça de mémoire. Alors, je rappelle d'abord quelques notions de base sur la politique en Suède. Le gouvernement est social-démocrate pendant la très grande majorité du XXe siècle. Très simplement, le Parti social-démocrate a le pouvoir tout le temps depuis 1936, sauf à trois moments. En 78-82, de 78 à 82, de 91 à 94, et la période la plus longue, c'est celle qui a commencé en 2006 et qui continue jusqu'à aujourd'hui, où c'est le parti de droite, les modérés, comme est le nom des partis, qui gouverne. Alors, quelque chose qui est important également à comprendre pour cerner le contexte suédois, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Saltsjöbaden, du nom d'une ville qui se trouve dans la banlieue de Stockholm, où se sont réunis en 1938 les principaux représentants syndicaux et patronaux pour esquisser une procédure de négociation, un modèle de convention collective générale sur les questions du travail pour se substituer aux législateurs. Avec vraiment l'idée que tout ce qui a trait au travail est réglé d'abord par les partenaires sociaux. Le législateur n'intervient pas. C'est un modèle qui est permis par la force d'une coalition patronale, la SAF, et la force du principal syndicat, LO, qui représente la majorité des travailleurs. Alors, en acceptant cet accord comme règle du jeu, les employeurs ont reçu une sorte de garantie de paix sociale, à condition que les accords seraient toujours négociés de façon paritaire entre les partenaires sociaux. Et ceci ne sera remis en cause que à l'occasion d'une première très grande grève en 1969 dans les mines du nord de la Suède, puis dans les années 90 et 2000, notamment dans les périodes de gouvernement de droite. Alors, sur la question de l'histoire de la psychologie du travail et des recherches en médecine psychosociale, un institut très important va être ce qui s'appelle le réseau d'administration du personnel, ou le conseil d'administration du personnel, plus précisément, qui est mis en place en 1952 par la principale fédération patronale. C'est là que travaillent la plupart des personnes que j'ai citées, comme Bertil Gardel, par exemple, le principal psychologue du travail à cette époque. Et l'idée de cet institut est de faire donc du conseil aux employeurs sur la meilleure administration possible du personnel. Mais très vite, il va y avoir une autonomisation d'un département de recherche au sein de cet institut, avec des thématiques qui ne sont pas forcément, franchement, on va dire, pro-patronales ou en faveur simplement d'une vision de la direction. Bertil Gardel, dans les années 60, donc Gardel, ça s'écrit G-A-R-D-E-2-L, va développer une réflexion originale sur la question de l'aliénation des travailleurs, l'aliénation notamment dans le travail à la chaîne, avec le travail morcelé, sans interaction sociale, sur des aspects très très réduits du processus de travail général. Alors, en 1976, on a une loi, je suis pas encore aux controverses, alors ça, mais je vais vous parler des deux lois, rapidement, deux lois importantes. En 1976, une loi sur la participation des travailleurs, sur leur consultation et leur participation dans la vie au travail, qui dit que l'employeur ne peut prendre la plupart des décisions sans accord avec le principal syndicat de l'entreprise. Et alors, ceci concerne aussi bien les décisions sur l'organisation du travail, l'interprétation du contrat de travail, où là, vraiment, les représentants du personnel ont un pouvoir décisif. En 1977, il y a une loi pionnière, qui est la loi sur l'environnement de travail. Cette loi a été citée récemment dans le rapport du Sénat sur le mal-être au travail, encore une fois, comme forme de modèle, avant précurseur, disons, dans le contexte législatif européen. Et c'est une loi qui est directement liée aux recherches suédoises sur les questions de souffrance, bien-être au travail, avec même l'intervention l'intervention de chercheurs auprès du législateur pour les détails pratiques de la formulation de la loi. Alors, cette loi dit par exemple que l'employé doit avoir je cite, « l'opportunité de participer à la définition de sa situation personnelle au travail et à tout processus de changement qui affecte son travail. De même, la technologie, l'organisation de travail et le contenu de l'emploi doivent être définis de manière à ce que l'employé ne soit pas soumis à des contraintes physiques ou mentales qui peuvent le conduire à la maladie ou à l'accident. Les horaires de travail doivent aussi être pris en compte en la matière. Tout travail étroitement surveillé et concentré sur un champ d'activité trop étroit doit être évité. Tous les efforts doivent être faits pour garantir que le travail offre des opportunités de changement, de contacts sociaux et de coopération, assurant ainsi une cohérence entre les différentes tâches. » Voilà. Voilà certains des aspects qui montrent vraiment une prise en compte de la recherche à l'époque. Alors, je passe à ma deuxième partie, très vite, sur la première controverse, qui est ce que j'appelais une critique d'extrême gauche des sciences de la vie au travail, à travers ce livre dont vous voyez ici la couverture, qu'on peut traduire comme « L'art de domestiquer les personnes », et qui est donc un livre de 200 pages qui est simplement une critique de des recherches, principalement des recherches suédoises, sur la psychologie du travail et la médecine psychosociale en général. Mais c'est un livre qui va avoir un énorme impact médiatique et politique. Là, vous voyez, cette version du livre, là, c'est il y a marqué 4e édition, et c'est en 1971. C'est un livre qui est vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, qui est beaucoup cité dans les journaux, et qui est à la fois un livre très très documenté, écrit par des étudiants en sociologie majoritairement, des étudiants marxistes, mais alors une bonne dizaine d'étudiants, il y a pas mal d'auteurs, comme vous voyez, et qui ressemble un petit peu dans le format à, on va dire, les livres de la République des idées en France aujourd'hui, c'est-à-dire qui se veut très pédagogue pour essayer de toucher le maximum de gens possible, tout en introduisant une grande série d'auteurs. Alors, pour aller très vite, ce livre dit, je cite une phrase, « La faute que nous décrivons dans la science du travail n'est pas d'abord qu'elle soit basée sur des valeurs bourgeoises, mais qu'il s'agit d'une description incomplète et fausse de la réalité, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée comme un instrument pour préserver la structure du pouvoir capitaliste. » Et il y a, après, des dizaines de pages sur comment il y a un usage instrumental à la fois de Max Weber, Elton Mayo, Taylor, d'une certaine psychologie du travail behavioriste, les travaux de Bertil Gardel sont cités également, pour montrer que les conflits au travail seraient d'abord des problèmes d'information, de style du leadership, d'adaptation de la personne à son environnement, alors que les véritables problèmes, deux points, et j'ai oublié de les mettre, ce sont les problèmes de la domination au travail, du fait que certaines personnes puissent imposer à d'autres des conditions de travail dégradantes ou des relations de subordination dégradantes sans contrôle sur ce qu'ils font et la valeur de ce qu'ils font. Et que donc, la psychologie du travail ne peut pas adapter à la marge le travailleur, mais que c'est vraiment la situation du travail industriel en général qui est aliénante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent le terme d'aliénation, qui est également au centre des travaux de Bertil Gardel, mais en disant que ces travaux sont beaucoup trop conservateurs et ne vont pas vraiment à la racine du bouleversement qui devrait avoir lieu. Alors, Bertil Gardel va faire un article dès la sortie du livre dans la principale revue de sociologie suédoise en critiquant ce qu'il appelle un livre caricatural. Mais de fait, si l'on regarde dans les années 70, il va souvent écrire des articles sur le positionnement du chercheur dans le champ scientifique et dans le champ politique. Comment faire pour que ses recherches aient un impact politique et changent vraiment la vie des gens? Et on peut voir qu'il a pris en compte quelque part les critiques qui lui ont été faites. Notamment, une critique qui lui était faite, c'était le fait d'être payé par cette organisation patronale, le conseil d'administration du personnel. Et après, il va essayer de se distancer de cette organisation, trouver d'autres sources de financement. Et dans un article de 1977, il dit par exemple qu'il faut être très important de garder toujours une étiquette d'indépendance et de n'avoir rien qui puisse montrer un lien trop fort avec l'une des parties dans ce champ hautement conflictuel des sciences de la vie au travail. Alors, je passe à la troisième partie rapidement. La fermeture de l'Institut national de la vie au travail, une critique de droite des sciences de la vie au travail. Donc ça, c'est la fermeture a lieu en 2007, mais est décidée en 2006. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Institut national de la vie au travail ? C'est un institut qui prend la suite d'un autre institut et du fusion avec un autre institut, etc., mais qui est créé en 1995 dans sa forme finale. En 2006, il compte quand même 400 salariés. Sur ces 400 salariés, il y a plus de 300 chercheurs. Et c'est vraiment le principal centre de recherche sur les questions de ce qu'ils appellent donc vie au travail ou environnement de travail en Scandinavie, voire on pourrait dire en Europe, parce que le fait qu'il y ait autant de chercheurs qui travaillent exactement sur ce thème, c'est quelque chose qui me semble assez rare. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la campagne électorale de 2006, la coalition de centre-droit, où le principal acteur est donc le parti des modérés, le parti de droite dirigé par Friedrich Reinfeldt, va critiquer très fortement cet institut. Et ça va être l'un des principaux points de cette campagne quand même. Au point que la première mesure qui va être mise en place quand la coalition arrive au pouvoir va être la fermeture de l'institut. Alors, quel est l'argument pour critiquer cet institut? L'argument, c'est que les recherches y seraient beaucoup trop politisées. Parce qu'elles partiraient des demandes des syndicats, des demandes des travailleurs. Pour donner un équivalent français, on pourrait dire que plusieurs des recherches ressemblent un petit peu aux recherches qu'on pourrait faire dans un cadre style ANACT, où vraiment on cherche à s'intéresser à des situations concrètes de travail. Il y a des recherches dans des fonderies, des recherches pour des chauffeurs de poids lourds, etc., pour adapter leurs horaires de travail, pour réduire les expositions à des produits cancérogènes. Voilà. Et c'est des sortes de recherches-actions qui sont conduites sur plusieurs mois. Mais les recherches seraient également trop politisées parce que la direction de l'Institut a été nommée par le gouvernement social-démocrate précédent. Et c'est quelque chose qui est très critiqué par la coalition de centre-droit. On peut également citer des questions écrites qui ont été faites au ministre de l'Emploi en 2006 et en 2007, où le ministre de l'Emploi justifie la fermeture en disant que ils ont un objectif de réduction de la bureaucratie. Et donc, c'est pour ça qu'ils suppriment cet institut. Et également, qu'ils ne veulent plus que la recherche soit politisée, qu'ils veulent qu'elle se déroule dans un cadre de concurrence universitaire. Donc, on revient presque à ce qu'on disait au débat avec Isabelle Tisse-Saint-Jean au début, c'est-à-dire sur la question de l'intervention du politique dans les débats ou non, et qu'il fera un cadre de concurrence universitaire avec des appels d'offres et plus aucune intervention du politique. Mais en fait, bien sûr, cette question de la politisation, c'est une question plus générale de défiance vis-à-vis de tout un ensemble de recherches qui sont conduites en Suède à l'époque. Il y a plusieurs articles, plusieurs éditoriaux dans les journaux suédois. Par exemple, un éditorial d'un professeur de sciences politiques, qui est un éditorialiste assez connu, qui critique à la fois les travaux de cet institut, qui donne une mauvaise image ou une fausse image de ce que serait le travail en Suède, et en montrant que tout le monde souffrirait, etc. Mais il critique également dans ce même article les recherches féministes, les recherches sur le genre et la prise en compte du genre en Suède. Et là, il dit également que là aussi, c'est quelque chose de trop politisé et qu'il faudrait dépolitiser pour avoir une vraie recherche de qualité. Et donc, cet institut va être fermé malgré une très grande campagne de soutien international dont plusieurs des personnes présentes dans cette salle ont signé la pétition. C'est le document avec tous les signataires et les lettres, il fait plus de 200 pages. Et il est fermé brutalement, c'est-à-dire que c'est dans le budget voté fin 2006 qu'on décide que le 1er juillet 2007, l'Institut sera fermé du jour au lendemain. Et une recherche qui a été faite 2 ans après a montré que sur les 400 personnes qui y travaillaient, au moins un quart ne travaillait plus dans le domaine des sciences de la vie au travail 2 ans après. Voilà. Certains ont pu continuer leur recherche en faisant héberger leurs projets par des universités. Mais tout ceci se déroule dans un cadre d'universitarisation de la recherche qui est assez défavorable en fait aux recherches sur les sciences de la vie au travail, puisque les universités s'intéressent beaucoup moins à ces questions, elles les financent moins, et donc tous les projets ne seront pas suivis d'effet. Alors je conclue. Donc une conclusion qui sera surtout une ouverture en fait. Sur la spécificité de ce débat suédois, sur où on ne sait pas si les chercheurs sont des ingénieurs sociaux ou des agents politiques, on le sait jamais dans aucun contexte, mais où il y a cette tradition d'ingénierie sociale qui de temps en temps est mise à mal par une politisation, par un débat qui montre les implications politiques sous-jacentes. Alors C'est une recherche que j'ai l'intention de poursuivre, notamment en comparaison avec la France, sur aussi le sens politique qui peut être donné à certains concepts scientifiques, certaines théories scientifiques. Sens politique que j'entends non pas en cherchant une substance derrière ces concepts, mais au sens de Wittgenstein, de le sens d'un mot, c'est l'usage qu'on en fait, l'usage qu'on peut en faire. Et là, l'usage politique, stratégique, qui peut être fait dans certaines circonstances. Je vous remercie.